Où en sommes-nous arrivés? Où en sommes-nous arrivés pour que l'enfer règne finalement sur Terre? Pour que les pécheurs aient hérité de nos vies? Nous avons fait des choses pas très jolies. Nous avons fait des choses horribles. Mais jamais cruelles. La cruauté, pas la violence, mais la cruauté. Voilà où la limite devrait être. Et il n'y a plus de règles, il ne reste que le châtiment. Il n'y a plus d'éthique, il ne reste que l'instinct de survie. Il n'y a plus de justice, il ne reste que la vengeance. Il n'y a plus de péché, il ne reste que les crimes. Et Dieu a autorisé tous les excès du libre arbitre.